Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousu main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre la solitude, une série de Pauline Maucor réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a une idée d'avant le confinement qui résonne étrangement aujourd'hui, à l'heure où certains et certaines découvrent la solitude, qui peut aussi être une forme de liberté ou une vieille compagne rassurante. Alors pour commencer, les personnages. Deux femmes sur le sentier, une autre qui sait ce qu'elle veut, une anthropologue à l'écoute, une femme frugale, une autrice dans la forêt, une autre tombée sur l'amour, et une mère et sa fille. Ensuite, le décor. Une envie de se taire, la magie de la radio, des brebis, la marginalité, un renard pas farouche, des oiseaux qui mangent des noisettes, des nuits à la belle étoile, un conte, une cabane, des rouges-gorges solitaires, l'intensité, la beauté, la pluie et les écureuils. Aujourd'hui, 4e épisode, on grimpe. Il faut beaucoup monter. Il faut monter 2 minutes, 2-3 minutes à pied. Ouais. On est tout au bout du hameau. Au milieu du Morvan, et on va monter voir quelqu'un qui vit toute seule, voilà, depuis longtemps. C'est un rapport au monde qui est particulier, où la place de la nature, des animaux, la place du temps qui passe, est une place importante, quoi. Et au-delà de la maison, il y a quoi ? Au-delà de la maison, il y a la forêt. Et vous avez de la chance, parce que c'est une belle journée de gel. Avec beaucoup de soleil, et c'est très beau parce que les feuilles sont déjà colorées, les oiseaux sortent un peu se réchauffer. C'est vraiment une journée magnifique. Et puis il y a la brebis qui nous accueille. Toc toc toc. S'échapper du monde et préférer la compagnie des brebis. Pauline Maucor et Véronique Samouilov. Bon, essuyez bien vos pieds, je sais que c'est sec, mais comme on ramasse un petit peu de gelée blanche, ça mouille. Enfin, je viens de le secouer, vous avez de la chance. Bon. Oui, là, alors, je vous ai amené France Culture. Ah oui, alors là, ça vous fait, où est-ce qu'on les assoit? Ça fait 4 personnes, ça. Il n'y a qu'à déplacer celle-ci. Hop. Voilà, puis moi, je prends le fauteuil. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Ah, mais surtout pas de photo, hein. Ah non. Pas de photo et puis même pas de micro, hein. Ça, je n'en veux pas. Alors, est-ce que... C'est clarinette. Je ne veux pas être enregistrée. Va... Je veux bien qu'on parle ensemble, et encore, je vais dire ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. Non, mais je n'aime pas. Vous avez eu la chance que je vous ai reçu encore. Jacqueline avait accepté de nous rencontrer. On pensait qu'elle accepterait d'être enregistrée. Je jette un regard de détresse à Véronique, la réalisatrice de l'émission. Elle me répond par une moue d'encouragement. Je décide d'insister. Je dis « Jacqueline, vous seriez d'accord pour nous parler de solitude ?» Elle répond « Ah non, ça, je veux pas. Je ne suis pas du monde moderne, moi. Je suis plutôt du vieux. Non, non, non. Je ne suis pas une reine, ni une politicienne. C'est loin de moi, tout ça. » Un silence. On entend la brebis appeler dans la cour. Elle dit « Et puis j'aime pas trop exprimer mes idées de toute façon. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Et si les gens ont envie de savoir, qu'ils viennent me voir. » Elle jette un œil à travers le carreau. Un oiseau picore une pomme talée qu'elle a déposée exprès sur le rebord de la fenêtre. Elle fait grincer sa chaise, se retourne, comme si nous n'étions plus là. Et elle lâche un soupir, léger. Eh oui, qu'elle dit. Eh oui. Jacqueline est catégorique. Elle ne veut pas être enregistrée. Elle nous a pourtant invités à nous asseoir dans sa cuisine. C'est la pièce principale. Le buffet... des photos d'animaux et de paysages du Morvan dans des cadres en bois, un baromètre, une horloge en avance d'une heure, dans un coin, un fauteuil. Maintenant, nous sommes sur les chaises en bois au paillage usé, recouvert de coussins aplatis et ficelés aux barreaux. Hélène, la preneuse de son, cale doucement la perche du micro contre la table. L'enregistreur continue de tourner. Véronique sort son carnet pour prendre des notes, le plus discrètement possible, pour ne pas risquer d'agacer Jacqueline. On poursuit la discussion et on enregistre. Ça dure une heure. En sortant, on se rend compte que, sans se concerter, on a eu toutes les trois la même idée. On va respecter la volonté de Jacqueline. On ne va pas diffuser l'enregistrement, mais on va raconter la rencontre. Je dis, vous avez choisi la solitude ? Elle dit, oui, plus ou moins, je me suis débrouillée. Ici, c'est pas pareil qu'en ville. Au moins, on a les bêtes autour de soi. On se sent moins seul. Je leur parle un peu à mes bêtes. J'en avais une dizaine de brebis et leurs petits au printemps. C'est tellement gentil. Aucune défense. Quoique j'ai une brebis, elle tenait tête au chien. Alors vous, Caroline Daroux, vous avez fait tout un travail d'enquête sur le territoire du Morvan. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Donc j'ai fait tout un travail sur la figure de la vieille femme marginale, on va dire. La vieille femme seule. Parce que ce qui m'intriguait, c'est que ces histoires de ces vieilles femmes-là, on ne les racontait pas comme ça. On n'expose pas devant des gens qu'on ne connaît pas leur manière de vivre ou qui elles sont. Ça reste des histoires qu'on se raconte entre gens qui savent. Parce qu'effectivement, j'étais une étrangère aussi. Au départ, il a fallu les rencontrer, ces femmes, pour pouvoir faire en sorte qu'après on m'en parle. Sinon, on ne m'en parlait pas. Je me suis très vite rendu compte que finalement, parler d'elles, c'était précisément parler du lien avec la nature, parler du choix de ne pas suivre le progrès. On va parler de la capacité à seul être capable d'être autonome, de se chauffer, de se nourrir, même de vivre sans argent. C'est comme si tous ces gens étaient en train de raconter une histoire qu'ils auraient voulu voir advenir. Pas celle du progrès, pas celle de l'hygiénisme, pas le capitalisme, pas toutes ces choses-là, mais une autre histoire, celle qui était portée jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, par exemple dans le Morvan, une histoire où, effectivement, on était très en lien avec la terre, avec ce qui poussait dans le jardin. Il y avait un rapport au corps qui n'était pas le même, la médication n'avait rien à voir. Dans le récit des autres, parce que c'est par là que j'y arrive souvent au départ, ce sont toujours des personnes qui sont à la fois auxquelles on est très attaché et qu'on craint en même temps. Ce sont toujours des personnes qui sont très indépendantes. Ce sont toujours des personnes qui ont de la puissance physique, intellectuelle, morale. Enfin, voilà, ce sont toujours des personnes à qui on rend visite aussi. Voilà, c'est-à-dire que la solitude qui est la leur est une solitude complexe, une solitude remplie de visites, mais des visites particulières, des visites. Pour moi, c'est presque des moments initiatiques que les gens recherchent, se replonger dans une autre temporalité, dans un autre rapport au monde, et aussi être dans des rapports sociaux qui ne sont pas aussi policés que ce qu'on peut vivre d'habitude. Déjà, c'est des personnes qui ont un fort caractère, toujours. C'est elles qui commandent, en fait. Donc, on se fait malmener si on n'a pas très vite compris ça. Du coup, ça déstabilise, à plein d'égards, quoi. Et puis, qui ne mâchent pas leurs mots, parce qu'elles ont un caractère de femme seule, qui se sont débrouillées toutes seules. Je demande à Jacqueline. Dans le Morvan, on peut faire des choix qui ne sont pas les choix de tout le monde. Elle répond. Ah, ça, c'est sûr que la ville et la campagne, c'est pas pareil. La nuit, ici, on n'entend rien. Il n'y a même pas d'éclairage public, heureusement. Moi, je suis contre. Pourquoi éclairer? Les gens, ils dorment. S'ils sont pas contents, qu'ils foutent le camp, ailleurs qu'à la campagne, hein? Moi, je dormais dehors avant, hiver comme été, pour voir les étoiles quand il y en avait, filantes, entre autres. Ça m'est déjà arrivé d'en voir. Et puis les petits oiseaux, tout ça. Il y a de la vie la nuit, si on peut dire. Si on peut dire. Elle rit doucement. Je dis, vous n'avez pas froid quand vous dormez dehors? Elle dit, ben on se couvre en conséquence, hein? Puis pas trop, pas trop. Parce que si on se couvre de trop, on n'est pas mieux. Quand il fait bien froid, je mets la tête sous le drap. Quelquefois, je ne couche pas tout habillée, mais presque. Petit rire. Je demande, pourquoi c'est si important pour vous de dormir dehors? Elle répond, parce que c'est agréable de dormir sous le ciel. Et les petits oiseaux, on les entend de bonne heure le matin. L'été à 4 heures le matin. Avant, c'était 5 heures. Maintenant, c'est 4 heures. Les horaires, ils sont faits pour les gens de la ville. Pour ceux qui font pas grand-chose. Véronique demande, ça vous est arrivé la nuit d'avoir des visites incongrues d'animaux qui venaient jusqu'à vous? Jacqueline répond, oui. C'est il y a 2 ans que j'ai trouvé un renard sur mes genoux. Il a vite fait de décamper. Là, j'ai pas vu cette année. Mais ça fait quand même 2 hivers, j'avais la visite d'un renard. Il venait manger des noisettes. J'ai un noisetier à côté du puits, là. Il y avait pas mal de noisettes. Sinon, c'est les citelles torchepeaux qui les mangent. Ou les écureuils. Je dis, ça m'étonne que le renard venait sur vos genoux. Elle dit, oh ben, il avait l'habitude, il traversait le jardin, tout ça. Je ne lui faisais pas peur spécialement, je pense, hein. Je dis, vous l'aviez apprivoisé? Elle dit, ben non, ça s'apprivoise pas. Il était habitué aux noisettes surtout. Il en tombait. Cette année, il n'y en a presque pas eu. C'est les citelles torchepeaux qui les ont mangées. Elles arrivent à les casser, hein. Le conte que je vais vous raconter, cette histoire qui m'a beaucoup touchée, parce que j'avais l'impression de la croiser souvent sur le terrain quand je travaillais sur le sujet des vieilles femmes originales, c'est l'histoire de la mère des quatre vents. Donc c'est un homme. C'est un paysan, sa récolte n'a pas fonctionné, et puis du coup, il a tout perdu. Et donc cet homme, un peu désespéré, il se lève un matin et puis il part. Et puis il entre dans la forêt sans trop regarder par où il passe, où est-ce qu'il va. Puis il marche longtemps, et puis il arrive à une genre de clairière, et là, dans le fond de la clairière, il voit une drôle de maison, comme un peu une maison de courant d'air. Alors il s'approche. Quand il arrive, il y a une vieille qui est là, dans la maison, et qui l'accueille, et qui lui dit bon, « Bonjour, ça m'étonne de vous voir ici, parce que moi je ne vois jamais personne. » Et cet homme lui dit « Ah bon, mais vous êtes qui ?» Alors elle lui dit « Oh là là, moi je suis la mère des quatre vents, je suis là depuis le commencement du monde et j'y resterai jusqu'à la fin. » Il rentre chez elle et c'est très étonnant parce que c'est une maison où il n'y a pas vraiment de meubles. C'est une maison où il n'y a pas vraiment de murs. Bienvenue. Mais c'est une maison quand même, alors elle lui dit de s'installer. Alors il s'installe et puis elle lui sert quelque chose à boire. Et puis elle lui dit attention, les fils sont là. Ouais, ça y est, ça commence à prendre. Alors quand on rentre dans cette petite cabane, il y a un petit tabouret fait avec une planche qui a encore la forme du tronc. Il y a quelques toiles d'araignée, de la mousse et des feuilles mortes, des feuilles séchées. Quand on rentre, ça fait comme si on rentrait dans un petit nid au mur rond, recouvert de chaux. Et j'ai vu la poignée de porte aussi, c'est un morceau de racine sculptée. Et puis ensuite, il y a des étagères avec des planches de bois brut qui sont déposées sur des poutres qui tiennent la maison. Et puis des pièges à souris, trois pièges à souris alignés. Ensuite, en dessous, le poêle. Une petite pelle pour ramasser la cendre du feu. Une mini gazinière, comme une dinette. Il y a une bouilloire, comme chez nos grands-mères, qui siffle quand l'eau est chaude. En fait, cette cabane, ça ressemble à une petite maison de poupée, mais de poupée sauvage. De poupée des bois. Ça fait un peu moins d'un an que je vis seule ici. Des fois, c'est dur quand y a pas mal de logistique pour tout ce qui est eau, tout ça. C'est compliqué de chauffer un endroit qui est humide. Donc ça, c'est un peu difficile. Mais vivre de cette façon, ça veut aussi dire qu'il y a des moments où je profite du spectacle de la nature et j'ai plus de plaisir que de contraintes. Alors, la mère des 80 ne dit rien, mais n'en pense pas moins. Elle attend la réponse de son fils. La bise et Galarme sont deux mauvais gendarmes. Soulard et Drévent sont deux bons enfants. Aldemar, Pieux d'Evry, Peu Rosé de Méval, bien mieux que le chariot du Rouet. Ils ont parlé comme ça longtemps, ils s'en sont ressouvenus comme ça lentement de toutes ces vieilles phrases, de tous ces proverbes. Et puis un matin, il dit à la mère des 80, « Bon, bah, je vais rentrer chez moi. » Ah, elle lui dit, ce serait temps, parce que ça fait au moins 100 ans que t'es par ici. Faudrait que tu rentres, on va commencer à s'inquiéter chez toi. Alors l'homme part, il quitte cette clairière, cette maison de courant d'air, il reprend un semblant de sentier, il retrouve rapidement le chemin, il sort de la forêt, il rentre chez lui, et il raconte ce qui lui est arrivé. Je demande à Jacqueline, qu'est-ce que vous pourriez nous transmettre, nous enseigner de votre vie ? Elle répond, oh rien du tout. J'insiste, parce que nous, on n'est pas dégourdis, on vient de la ville. Elle répond, oh que si, vous y êtes dégourdis. Retournez-y demain, dans la ville, vous y serez bien dégourdis. Il y en a quand même qui reviennent à la campagne, surtout à la retraite, et même avant pour certains. Parce que c'est une vie de fou en ville. Véronique demande, mais vous avez des amis ? Jacqueline dit, à proprement parler, non, pas spécialement. J'ai fait partie d'une association, on faisait souvent des sorties. Elle tousse. Une fois par mois, le mercredi tantôt, mais c'est tout. Ça n'a pas duré longtemps. Je dis, vous vous sentez mieux entourée de brebis ? Jacqueline dit, « Ah, ça c'est sûr. C'est comme ça, c'est comme ça. » Je dis, « Ah, c'est pour ça que vous dites que les brebis, ça dit moins de bêtises que les humains. » Jacqueline dit, « Je vous ai dit ça, moi. » Silence. Si elle pouvait parler, elle est mignonne, celle-ci. Elle vient vers moi. Tantôt, j'étais au soleil, vers la porte de la grange. Elle vient. Elle pose sa tête sur mes genoux. Véronique demande, elle a un prénom ? Jacqueline répond. J'aurais voulu leur en donner, mais pas besoin de les appeler. Elles savent. Silence. Elle dit. J'ai un couple de rouge-gorge qui vient de temps en temps. Ils font le vide autour d'eux. Des solitaires agressifs. Ils défendent leur territoire, c'est surtout ça. C'est normal. Je dis. Vous pensez que les êtres humains, c'est pareil ? C'est pire. C'est méchant, l'être humain. Les bêtes, il n'y en a pas qui pensent faire mal. Si elles font du mal, c'est pour manger. Que l'être humain, il fait du mal même sans avoir à manger. Je dis, c'est pour ça que vous vous tenez à l'écart ? Peut-être, oui. Enfin, c'est l'être humain qui est comme ça. Faites attention, les rondins, ils sont un peu glissants. C'est quoi l'espèce de ululement qu'on entend ? C'est une chouette. J'entends tous les soirs cette chouette. Enfin, j'en ai vu une fois traverser un soir la clairière. Un jet m'observe depuis le début des travaux. Il vient se poser à intervalles réguliers au sommet d'un bloc enfoui dans les rhododendrons sur ma droite, à distance respectable. Combien d'autres bêtes sont en train de noter ma présence au milieu de la montagne? Il y a très probablement un groupe de marmottes qui relaient les informations à mon sujet. Elles s'échangent sans doute des données sur mon odeur. Ma présence est perçue et commentée sous de multiples points de vue. Le jet, qui niche dans le coin, vient régulièrement vérifier la rumeur avant de la confirmer en criant et de repartir à ses occupations de jet. Ma présence est construite à partir de formes de vie animales. Si je pouvais lever la carte de leur perception, quel contour aurait mon corps? À quoi ressembleraient mes gestes? Et si c'était seulement au milieu d'une multitude de formes de vie différentes qu'on pouvait obtenir la sienne propre, la plus complexe, la plus libre, la plus désintéressée? La nuit, on entend... Je sais pas trop si c'est des petits oiseaux, peut-être plutôt comme des petits rongeurs un peu qui viennent gratouiller un peu le sol. Les gouttes d'eau comme maintenant. Et des pas d'animaux dans la forêt, sur les feuilles. Ça arrive souvent. Je sais pas trop, parfois c'est assez gros. J'imagine des chevreuils. For me, loneliness suggests that that something is missing. And solitude suggests that one has all one needs by oneself. En anglais, on a deux mots pour parler de la solitude. On a loneliness qui suggère que quelque chose manque, où on est dans une situation de peine. Et puis le mot solitude qui est beaucoup plus simplement le fait de ne pas être entouré de gens. Pour moi, solitude est une vraie ressource. Il y a deux jours, j'étais en train de me balader un peu en contre-haut de la cabane crapaud. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de fougères et beaucoup de ronces. Et je voyais plus ma chienne, donc je l'appelle. Et là, j'entends des bruits dans les broussailles. Et en fait, je vois un chevreuil qui débarque derrière un énorme roncier et qui s'arrête en me regardant. Il passe à côté et il s'arrête un peu plus loin. Et il se retourne et il me regarde. Je le regarde à nouveau et il part. Je pense qu'il se posait aussi la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es sur ma route un petit peu? En étant dans la forêt, disons que la limite entre le monde animal et le monde humain, elle est peut-être un peu moins nette. I mean, I think maybe that's the insight that we go off on by ourselves to try to really discover that we really are never actually alone. Ce qui se passe, c'est que quand on prend la décision délibérée de s'isoler, on finit par découvrir qu'on n'est jamais seul. Cette quête de sens et cette quête de beauté, non seulement on la trouve, elle aboutit à l'intérieur de nous, mais finalement on en est entouré. Jean Eglund, vous avez écrit « Dans la forêt ». Est-ce que vous pourriez nous raconter de quoi parle le livre? It's a novel set in the near future, ideally maybe 3 or 5 years. C'est un roman qui se situe dans un futur proche. On est en Californie du Nord et tous les équipements comme l'électricité, le téléphone, Internet ont disparu pour une raison qu'on ne connaît pas. Les deux protagonistes sont deux adolescentes qui ont été élevées par des parents un peu excentriques dans la forêt. Elles se retrouvent seules et la question qui se pose, c'est comment elles vont construire leur vie sans toutes ces facilités. Everything, phones, internet, all the things that we kind of assume are our birthright. Avant, j'étais Elisa, et la forêt n'était qu'arbres et fleurs et buissons. Maintenant, la forêt, ce sont des érables à grandes feuilles, des baies, des groseilles à maquereaux, des rhododendrons, des roses à fruits nus, des chardons rouges, et je suis juste un être humain, une autre créature au milieu d'elles. Petit à petit, la forêt que je parcours devient mienne. Je commence à comprendre sa logique et à percevoir son mystère. Où que j'aille, j'essaie de noter ce qu'il y a autour de moi. Un massif de menthe, une touffe de fenouil, ou un champ d'amarante à ramasser maintenant ou plus tard quand je reviendrai. Taïga ! Taïga, viens ici ! Elle a fini son petit tour. Quand je pars en forêt, j'aime bien partir et découvrir un peu d'autres endroits que la boucle habituelle. Juste le fait de prendre un autre chemin, ou justement pas de chemin, ou des chemins d'animaux aussi. Ça, on en trouve pas mal dans la forêt. Et après, se rendre compte que, ah oui, j'arrive ici. Ah d'accord, mais je voyais pas ça du tout comme ça. Juste marcher et... quand j'en ai envie de m'arrêter, m'asseoir sur un gros rocher et juste regarder la nature. Last summer, I spent five nights and days in the forest by myself without food. L'année dernière, j'ai passé 5 jours et 5 nuits dans la forêt, sans abri et sans nourriture. Alors, le prix à payer, peut-être, c'est la sensation de faim, la peur le soir quand la nuit tombe, des animaux, etc. Mais en même temps, quel cadeau que cette expérience de 5 jours. But I also think that solitude, you know, for many of us, quand on se retrouve seul, on a tout l'espace et le temps dont on a besoin pour s'engager dans une pensée beaucoup plus profonde. Il y a encore quelques semaines, il n'y avait pas le poêle. Il commençait déjà à faire froid et je prenais encore mes petits déj dehors à des moments... Avoir chaud ou avoir un endroit où on peut se mettre au chaud, ça c'est hyper important. Et quand on n'a pas cet endroit, et ben oui, comme on a moins le choix entre confort et beauté, ben de toute façon on va vers la beauté. Everybody has a different relationship to solitude, and there are people who find it threatening and challenging. Chaque personne a un rapport particulier avec le fait d'être seul. Mais pour beaucoup de gens, c'est un cadeau merveilleux parce qu'il nous permet d'apprendre beaucoup plus sur soi et nous met dans une situation à laquelle on ne peut pas accéder quand on est entouré de monde par la frénésie du monde. J'écoute beaucoup la radio... les informations, j'essaye d'y prêter attention, mais en fait j'ai beaucoup de mal à retenir ce qui est dit. C'est comme si ça passait par une oreille, ça ressortait par l'autre. J'ai essayé de lire aussi la presse écrite et, pour m'informer en fait sur ce qui se passe dans le monde et pas être juste dans ma bulle. Mais c'est comme, ouais, comme si je pouvais pas m'en imprégner. Je pense qu'en étant ici, je suis quand même pas mal préservée ou protégée. Et en même temps, j'ai l'impression de quand même pouvoir agir à mon échelle, rien que par mon choix de vie. Il y a d'autres échanges qui se mettent en place. Du coup, je suis un peu à côté de ce qui se passe dans le monde. Mais par contre... le petit monde qui est autour, celui-ci, je peux un peu plus y participer. J'y trouve plus ma place. L'idée de construire aussi sa propre cabane, c'est aussi se dire que tout est possible. Et vous pensez aller jusqu'à où ? dans l'exploration. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'il y a au bout? I mean, I suppose at the end of my quest is death, right? Au bout de ma quête, j'imagine qu'il y aura la mort, à savoir, jusqu'à ma mort, j'essaierai d'en apprendre davantage sur moi et sur ce truc délirant dans lequel on est tous embarqués, à savoir la vie, toutes ces questions, qu'est-ce qu'être humain, comment devenir le meilleur être humain possible, et cette quête ne prendra fin qu'à mon dernier souffle. Elisa, est-ce que parfois vous traversez des moments de solitude intense qui font place à l'angoisse? Pendant les insomnies, c'est plus des passages de ma vie que je ressasse et que je mâchouille comme un vieux chewing-gum qui a plus de goût, ou des moments à venir que je vis à l'avance. Et donc finalement, je trouve pas de solution ou de réponse. Je suis juste en train de tourner en rond dans ma tête. Et l'autre, les autres, est-ce qu'ils peuvent vous aider à sortir du ressassement? Sauf que les autres personnes, elles ont aussi leurs propres mots intérieurs. Et donc, il faut qu'on arrive à tomber en phase pour réussir à se comprendre et à s'entraider, en fait. Ça peut être fatigant pour moi quand j'arrive pas à comprendre les autres ou quand ils n'arrivent pas à comprendre ce que je veux dire. Ça m'est assez pénible. Je rêverais d'une espèce d'harmonie, qu'on arrive à se comprendre et à s'entendre. Et du coup, c'est un peu dur pour moi quand ça fonctionne pas. Et je crois que pour que ça puisse marcher, il faut réussir à être en phase. Un peu comme les petits créneaux là sur un engrenage. Des fois, ça marche pas. Les petites dents de l'engrenage, elles tombent pas bien en face. Et du coup, des fois, ça accroche, ça veut pas passer. L'information, elle veut pas passer. Et donc, quand ça fait ça, quand on n'arrive pas à se comprendre, j'ai l'impression d'être en fait un peu plus seule que quand je suis vraiment toute seule. Je ne peux pas, personne ne le peut, ne pas prêter attention à la présence d'un humain. D'une coccinelle, d'un jet, d'un isard, d'une souris, oui, mais pas d'un humain. C'est un fait. Dès que je vois un humain, j'ai idée d'une relation entre lui et moi. Je m'en rends compte. Je ne peux pas faire comme s'il n'existait pas. Encore moins dans la position isolée dans laquelle je me trouve, que j'ai choisie, dans laquelle je m'exerce et cherche à savoir si on peut vivre hors jeu, en ayant supposé qu'on le peut et que c'est une des conditions requises pour obtenir la paix de l'âme. C'est une hypothèse que j'ai faite et que je m'efforce de vérifier. Il n'y a pas de non-relation entre humains. Je ne peux pas, personne ne le peut, ne pas prêter attention à la présence d'un humain. D'une coccinelle, d'un jet, d'un isard, d'une souris, oui, mais pas d'un humain. C'est un fait. Dès que je vois un humain, j'ai l'idée d'une relation entre lui et moi. Je m'en rends compte. Il n'y a pas de non-relation entre humains. Françoise, là, quand on est arrivé, la neige a commencé à tomber. Oui. Il y a des jours où le brouillard se lève pas chez vous? Oui. Ça peut arriver 2-3 jours de suite. Ça fait partie du paysage. Il est changeant, comme tous les paysages. Je connaissais pas la montagne avant, donc avec toutes ses contraintes et ses bonheurs. En arrivant là, on cherchait votre maison, et en contrebas, il y avait une ferme. On a croisé un homme en bleu de travail. Il nous a indiqué chez vous, il a dit que c'était la maison au bout de la route. Et après, ce sont les chemins de terre. La forêt est très grande ici. Quand vous êtes arrivé ici, vous veniez un peu pour vous isoler, pour être tranquille. Mais vous avez fait une rencontre. Oui, oui, oui. Jean-Pierre. Oui, oui. Jean-Pierre, c'est le fils de la ferme qui se trouve un petit peu plus bas et qui est resté donc à la ferme de ses parents et qui n'a jamais rencontré d'autres femmes. Et donc, qui était tout étonné de me voir arriver. Donc, nous avons commencé à avoir une relation ensemble. Moi, j'étais beaucoup plus âgée, hein, j'avais 11 ans de différence. Mais ça a été très agréable pour moi aussi, parce que, en fait, ça a été aussi une grande découverte amoureuse. Mais vous, vous y attendiez à cette histoire avec Jean-Pierre ? Ah non, pas du tout. Non, non. De même que Jean-Pierre s'attendait pas à ce que quelqu'un vienne s'installer comme ça, parce qu'on lui avait déjà dit qu'il trouverait jamais personne. Comme quoi, les choses arrivent un jour. Les conditions idéales sont-elles celles auxquelles on ne peut pas échapper, celles qui nous obligent ? La promesse et la menace sont-elles deux façons d'évaluer et de traiter le risque inhérent à toute rencontre humaine ? Il n'y aurait rien de plus dangereux alors qu'une relation humaine qui ne serait ni une promesse ni une menace, qui n'aurait rien d'une annonce. Alors Céline Minard, qu'est-ce que ça raconte le grand jeu ? C'est très simplement l'histoire du moment où une femme s'isole en montagne dans une habitation quand même assez confortable pour, par rapport à ce qui existe habituellement en montagne. Et ça, c'est posé sur un pan de roche et sur le vide en même temps. Où elle a essayé comme ça de se garantir une solitude totale. Sauf que, évidemment, on n'est jamais seul. Et elle part, elle, avec l'idée qu'une relation humaine est toujours prise entre la menace et la promesse. La promesse étant une forme de menace et qu'on n'en sort jamais, dans aucun type de relation. Et en fait, elle décide, je pense, de se retirer, non pas du monde, mais de la société, du commerce humain, pour questionner justement cette part-là de la relation humaine et en croisant cet ermite qui ne fonctionne pas comme humain, qui est à moitié animal, qui est à moitié insecte, qui est à moitié on ne sait pas trop quoi, marmotte sûrement, et qui ne fonctionne ni dans la menace, ni dans la promesse. Elle ne se laisse pas menacer, elle ne promet rien, on ne lui promet rien non plus. Et ben elle va se déplacer légèrement sa façon de penser une relation possible avec un humain qui serait détaché de ces deux pôles de tension. Mais ce qu'elle va chercher, je pense, c'est d'essayer de toucher à ce qui peut, dans une relation humaine, échapper à la structure sociale, aux formes de reconnaissance diverses et variées, même y compris sexuées. Et qu'est-ce qui reste si on enlève tout ça ? Donc la solitude totale, elle est impossible. C'est une quête illusoire. Je pense qu'il y a des moments où on se sent seul et c'est toujours dans la détresse. Et je ne suis pas sûre que ce soit une réelle solitude là, mais plutôt un conflit. Et par ailleurs, on est tellement constitué des autres et la culture humaine est tellement profonde et tellement inculquée. Donc toute notre vie est question d'apprentissage. Je veux dire, on apprend à marcher, hein. Ne serait-ce que ça. Il n'y a rien d'immédiat et ça passe toujours par des transmissions, la plupart du temps humaines. Donc on est tellement constitué des autres que c'est très difficile d'être seul, même lorsqu'on est très isolé. On aura toujours la mémoire de ce par quoi humainement on est passé. Est-ce qu'il y a un autre jeu qu'un humain pourrait vivre et qui ne serait pas un jeu humain ? Et c'est possible ? Oui, je pense. Il y a certainement des moments de grâce, je dirais, où on passe dans un autre monde qui n'est pas humain, où on a peut-être des ouvertures, des failles de perception ou de conscience, et où on est détaché de ça, de l'espèce. où l'espèce n'est plus en nous et on est comme une bactérie là, au milieu des huîtres, je sais pas. Si, je pense que c'est... Mais ça s'expérimente par fragments. Même, je pense même qu'un type qui traverse l'Antarctique à pied avec son traîneau et tout ça, il n'est pas tellement détaché de l'espèce ou de l'expérience humaine ou d'une certaine société ou mémoire collective. C'est très difficile de faire ça. De s'isoler ? Peut-être d'arriver à se détacher comme une petite bulle, quoi, de toute cette masse de vivants, de morts, d'histoires. J'ai choisi, en fait, d'arrêter de travailler et d'aller m'installer en Auvergne. C'était quoi votre travail ? Je travaillais à la CEPAM de Paris, à la Sécurité sociale. J'accueillais du public. Et vous viviez où ? À Clermont, dans l'Oise. Donc tout ça a fait que, en plus, le travail devenait insupportable, ne correspondait plus à mes besoins. Il n'y a plus vraiment... on est minuté. Et si ça dépasse ? Et si ça dépasse, ça flash rouge, enfin bon, voilà... Les gens étaient tombés malades, crise de nerfs, dépression. Enfin voilà, c'était trop difficile. Moi, je ne trouvais plus ma place. Donc j'ai pris un crédit parce que j'étais désespérée par la situation au travail, en fait. Et j'aurais pu faire des dépressions, comme des collègues ont fait des dépressions, etc. J'ai choisi un autre parcours. J'ai recherché dans différents départements. Et de là, donc, j'ai sillonné pour voir un peu... pour voir où j'allais m'installer, quoi. Et j'ai trouvé ici, au mois de février. C'était une journée comme ça, quoi, tout simplement, avec une forêt un peu dégarnie, mais avec beaucoup d'arbres, des forêts de hêtres, avec des troncs un peu gris. C'est un coin dont je suis tombée amoureuse, en fait. Donc vous, en fait, vous avez voulu vous échapper. Vous avez voulu disparaître de cette société qui fait souffrir les individus. Non, j'ai pas voulu disparaître, j'ai pas voulu participer, c'est différent. Donc vous vous tirez du jeu. Oui. Moi, j'ai toujours rencontré des femmes ou j'ai toujours entendu parler de femmes, effectivement, qui assumaient leur solitude. C'est très subversif, hein, aujourd'hui, de dire qu'on peut vivre sans rien acheter, par exemple. Et de vivre en étant en dehors du commerce, qu'il soit économique ou social. Être seule, c'est une liberté. Mourir chez moi, c'est une liberté. La question de la liberté, elle est centrale, quoi, par rapport à cette subversion. C'est que aujourd'hui, pour plein de raisons, on nous en enlève tout le temps des libertés pour notre sécurité, pour notre protection, pour que ça se passe bien, pour que ce soit bien géré, pour que ceci, cela. Pour qu'on souffre moins. Enfin voilà, il y a toujours plein de raisons pour nous enlever des libertés. Et elle repose comme ça, comme un gros pavé dans la mare, ben qu'en fait, non. Initialement, la liberté, c'est beaucoup plus. Et puis, la liberté, ça fait souffrir. La liberté, c'est pas facile. Et c'est ça qu'elle rappelle aussi, c'est que la liberté, c'est couper son bois pour pouvoir se chauffer. Mais c'est pas facile. Effectivement, la liberté, ça peut être ne pas se soigner, mais ça peut faire mourir. Vous voyez, c'est la liberté, ça peut être ne pas aller en maison de retraite, mais ça peut vouloir dire mourir de froid. Et du coup, effectivement... elles assument, on va dire, moi, toutes ces femmes que j'ai rencontrées ou dont j'ai entendu parler, assument un mode de vie qui résiste aux grandes idées de ce qu'on devrait faire, voilà, qui ne sont pas d'accord, qui refusent, elles refusent plein de choses, parce qu'elles veulent qu'on les laisse tranquilles, elles veulent être libres, elles le disent clairement, mais derrière tout ça, il y a plein de difficultés, plein de souffrances, et peut-être plein de doutes, voilà. Enfin voilà, la doxa qui s'est imposée en Occident, voilà, dans les années 60, 70, 80, où effectivement le but c'est d'aller plus vers la modernité, c'est ça qui est bien, le bien c'est ça, c'est aller vers la modernité, c'est l'image du jeune homme dynamique. Enfin, il faudrait être comme ça. Et ben là en fait, il y a une espèce d'affirmation très forte que on est autrement. Et étonnamment, quand une personne affirme très fort qu'elle vit, qu'elle est autrement, qu'elle a choisi d'être autrement, eh ben, autour d'elle, les voisins, les gens assez proches vont passer la voir, vont faire groupe autour d'elle et vont en parler. Ce qui va se dire, c'est le droit d'être différent. Et c'est en ça que je disais que parler d'elle, c'est dérouler un désir politique, en fait, qui serait une alternative à la normalisation, une alternative à la modernité. Et donc elle, c'est comme si elle gardait, elle conservait les archives et la possibilité de la révolte à venir. C'est qu'elle crée des espaces de réserve. Il y a ça, et puis il y a aussi effectivement le savoir qu'on vient y chercher. Des savoirs peut-être discrédités, peut-être qu'on ne prend pas au sérieux, puis qui en fait se retrouvent être au cœur des grands problèmes du temps. Et le fait de les réentendre, ben tiens, ça réveille quelque chose de notre prise de conscience, qu'on peut agir, qu'on peut nous-mêmes se débrouiller, qu'on est victime de rien, qu'on est acteur en fait. Voilà. En fait, c'est les gardiennes d'une communauté. C'est-à-dire que, au bout d'un moment, les gens me disaient, vous savez, nous, notre point commun, ici, dans le village, bah, c'est qu'on la connaît, cette femme. Et donc, quand on se croise, on parle de quoi? Bon, on parle d'elle. Donc, en fait, au bout d'un moment, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, c'était ces femmes qui permettaient la communauté. Elles étaient le point commun. Et le point commun fortement symbolique, puisque elles incarnaient des valeurs que ces gens partageaient. C'est pour ça que j'ai compris que c'était politique, cette histoire. On parlait de valeurs, de rapport au monde et d'espoir, en tout cas de cultiver un espoir qu'autre chose est possible. Avant de pouvoir faire advenir une alternative politique, il y a peut-être quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être quelque chose de caché, qui se dit, qui se muscle, qui s'étaye entre soi, mais faire l'expérience de cette complexité-là, faire l'expérience de cette indétermination-là, de cette inattendue-là, ça s'explique pas, ça se vit. Et après, on peut en parler. Bon, enfin, on n'arrêterait pas d'en parler, c'est pas la peine. Mais en tout cas, merci de nous avoir reçus. Quand même. Jacqueline. Alors, j'espère que vous n'obtenez pas grand-chose. Hein, parce que moi, je vous dis, je ne on va tout oublier. Hein, vous allez vous dire. On va sortir avec ce qu'on a fait ce matin. Le modernisme. Hein. Bon, alors, je vais sortir avec vous. Tiens. Allez. Je vais mettre mes petits sabots parce que c'est gelé par endroits, mais pas partout encore. C'est pas dégelé partout. Hop. Allez. Non, ça va, il y a du soleil, il faut en profiter. Je vais même aller manger au soleil à la porte de ma chambre. C'est vrai? Oui, j'ai préparé un petit peu mon affaire. J'en prends ça à manger à la porte de la chambre. Au soleil. Bon, allez, hop. Youp, c'est froid dehors, l'eau. C'est bien. Ça s'appelle un prône dans le Morvan. Un prône? Un prône. Prône ou prône ou prône. En fin de compte, c'est un portillon, hein. Et ça m'a servi quand j'avais des agneaux. Et que j'étais obligée pour certains de donner des biberons. Alors je passais les biberons à travers. Oui. Et on a le droit d'enregistrer la brebis? Ou elle aussi, elle ne veut si, pas? Ça, si vous voulez, quand même. Elle vous parlera pas alors, comme ça c'est très bien. Elle nous parle à sa manière? Ben oui, à sa manière, c'est sûr. Bon. Allez, un petit bâton. Le petit bâton, et doucement. Et doucement, exactement. C'est très bien. Ah ma fifi, tu viens me voir? Hein? Mais t'es mignonne, tu sais. On n'en fera pas deux comme toi. Hein? Tu viens? N'aie pas peur, ma fifille. On vient rien te faire. Hein? tu viendras vers moi tout à l'heure. Pour que je te fasse des caresses et des câlins. Ça, tu dois pas avoir froid, toi, hein, avec ce que t'as comme laine. Et là, je suis bien au soleil. Quand il est en face. Voilà, j'ai fait 2-3 petites bricoles hier dans le jardin. J'ai coupé un petit peu les tiges de framboisier. Je les ai ététées. Au mois de août et septembre, j'ai trouvé des rosées, des champignons. Ça, je me suis fait pas mal d'omelettes. Hein. Vous allez manger où à midi, là? Bah là, tiens, regardez ma chaise, elle est au soleil. Je suis bien, là. Là, on est vraiment bien. Contre une porte. Ah. Oh, mais non, pas maintenant, mais certains hivers où il y avait jusqu'à moins 10, moins 15, je mangeais quand même dehors. Hein. Mais quand il n'y a pas de vent, il fait bon. Et les stations d'hiver, hein, les gens font du ski, mais ils sont dehors. Ils sont dehors pour manger. Hein. Alors il fait bon au soleil. Quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de vent. Ah tiens, il y a déjà des trucs blancs qui arrivent. Hein. Bah, le vent, à mon avis, il a changé. Hein. Je l'entends de venir de là-bas. Donc il vient du sud. Hein. Ça va se réchauffer. Oui, c'est un peu plus gelé qu'hier matin. L'année dernière, j'ai dû tomber une fois, mais c'est pas grave, il y avait de la neige. Ouais. J'ai pas fait de mal. Hein. Vous voyez, il y a mon lit, hein. On voit mon lit. Où ça? Sous la grange. Devant, juste à l'entrée de la grange. Sur la gauche. J'ai couché déjà dans l'écurie aussi, pour être vers les bêtes. Ah, puis pour quand, être plus près puis quand il y a eu des agnelages, hein, de petits agneaux là, qui naissent, comme ça je voyais sous mon nez, voilà. De la visite. C'est le Pierrot. My sweetest choice. Oh, solitude. Oh, solitude. Bonjour, messieurs, dames. Enchantée. Voilà, chantez ça. On va voir ça à vos yeux. Bah, ma mirette, elle est faite. Bah, je peux pas compter sur vous. Comment vous ne pouvez pas compter sur moi? J'ai dit mercredi. Vous m'avez dit lundi, mardi, c'était pas la peine. Non, on est quelques jours aujourd'hui. Vendredi, vous deviez venir, puis je vous ai pas vu. Enfin, je dis ça gentiment. Hein. Si ça vous aviez 25 ans, je serais venu plus vite. Mais là, peut-être. Hein. Franchement, je vais faire des efforts. C'est déjà pas trop mal. Bon, on revient demain alors. Demain, non, ça va. Demain, ça va. Bon, pas demain, pas aujourd'hui, pas demain. D'accord. Avec Elisa, fille de Françoise, Françoise, mère d'Elisa, Jacqueline et sa brebis, Caroline Daroux, ethnologue, Céline Minard, auteure du Grand Jeu, et Jean Egland, auteure de Dans la forêt. Documentation Corinne Chauvel, Christine Anzano, Inès Barja. Prise de son Hélène Langlois. Mixage Régis Nicolas. C'était Vivre avec la solitude, s'échapper du monde et préférer la compagnie des brebis. Un documentaire de Pauline Mocor, réalisé par Véronique Samuilov. Confiné trop solitaire, confiné en groupe qui rêvait de solitude, misanthrope, ermite ou animaux sociaux, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter tout seul, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous tâcherons de ne pas perdre l'Europe. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage, et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.